j'ai oublié l'enregistreuse. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 15 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé à l'endroit dans le livre au début où il dit wa kana mushrikul arab يدعون أنهم أهل الله يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit que les mushrikoun, parmi les Arabes à l'époque, ils prétendaient être les gens qui sont parmi les alliés d'Allah ou les gens proches d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils habitaient à Mecca et qu'ils étaient les voisins de la maison sacrée, de la Kaaba. Donc, à cause de leur proximité de la Mecque et de la Kaaba, ils pensaient qu'ils étaient le peuple d'Allah. Et le Cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةِ يَفْتَخِرُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ بِأَنَّهُمْ سُكَّانُ مَكَّةِ سكان الحرم وأنهم سدنة البيت وأنهم يخدمون البيت ويبنونه استكبروا به على الناس وظنوا أن هذا يكفيهم عند الله عز وجل وقد قال الله سبحانه وتعالى وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون فأولياء البيت هم المتقون وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هذه الفوارق فمجرد أنهم يخدمون البيت أو يبنونه أو يخدمون الحجاج ويسقون الحجاج هذا كله لا يكون لهم به ميزة على الناس. Ça c'est un point important aussi. Il y a beaucoup de fawaïd, il y a beaucoup de choses bénéfiques dans ce passage. Cheikh Al-Fawzan, il explique que les gens de la Mecque, ils se vantaient aux autres Arabes du fait qu'ils étaient les habitants de Mecca. Il dit nous on est meilleurs que les autres parce qu'on habite à Mecca, on habite dans le Haram, dans la terre sacrée, et nous sommes les gens qui sommes responsables de la Kaaba. Nous sommes ceux qui nous occupons et nous servons de la Kaaba. Et c'est nous qui la bâtissons. Et donc, ils s'enflaient d'orgueil devant les autres par rapport à ces caractéristiques-là qu'ils avaient. Et ils pensaient que cela était suffisant pour eux auprès d'Allah. Et le Cheikh, il a cité par la suite certains versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il les réfute à ce sujet-là. Et il mentionne le verset 34 dans Surat Al-Anfal en premier, comme exemple. Et c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit compte-t-il pour Allah un. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Compte-t-il donc pour qu'Allah ne les châtie pas alors qu'il repousse les croyants de la mosquée sacrée, quoi qu'ils n'en soient pas les gardiens. Et le terme gardien ou le mot gardien ici, c'est le mot qu'ils ont employé pour traduire le terme awliya, hein, quoiqu'ils n'en sont pas les awliya, ce ne sont pas eux les awliya de la mosquée sacrée, ce ne sont pas eux les gardiens, les protecteurs, les défenseurs de la mosquée sacrée. Ces awliya, c'est-à-dire ces gardiens, ces protecteurs, ce sont uniquement les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Donc ça, c'est le verset que le cheikh a cité. Ensuite, il explique que les protecteurs, les défenseurs de la Kaaba, hein, la maison d'Allah, c'est, ce sont les pieux, al-muttaqoun, ceux qui ont at-taqwa, hein, ceux qui se préservent d'Allah et qui préservent ses ordres. Et donc, il a cité par la suite des versets, c'est les versets 18 à 20 dans Sourate At-Tawbah. Et dans ces versets-là, il y a plusieurs points importants au sujet de cette question-là. Donc, le verset 17 à 20, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il n'appartient pas aux mushrikin de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur kufr, de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines. Et dans le feu, ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient à Allah et au jour dernier, qui accomplissent la salat, qui donnent la zakat et ne craignent personne excepté Allah. Il se peut que ceux-là soient du nombre des bien guidés. » Et le verset 19, « Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah ?» Donc c'est comme si dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Est-ce que vous voulez mettre à égalité le fait de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée ?» Vous voulez prendre ça et le mettre à égalité à celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui lutte dans le sentier d'Allah? Allah dit, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Hein? Et Allah ne guide pas les injustes. Donc, eux, ils disaient, nous, on s'occupe des pèlerins, on donne de l'eau aux pèlerins, hein? Les gens qui viennent pour faire le hajj, on les abreuve, on s'occupe d'eux, on les aide. Donc, ils se vantaient de ça. Et ils pensaient que c'était suffisant pour eux auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, pensez pas que ça c'est important, parce que le plus important c'est la foi en Allah. Et la foi au jour dernier. Hein, et dans le fait de lutter dans le sentier d'Allah. Et Allah il dit non, donc ça c'est pas égal. Il n'y a pas d'égalité entre ces deux choses-là. Et Allah ne guide pas les injustes. Et dans ce verset-là, il y a beaucoup de points importants. Parce que il y a beaucoup de gens comme ça qui, même aujourd'hui, ils se basent pour montrer qu'ils font du bien aux autres. Ils disent, nous, on aide les pauvres, on nourrit les gens, on fait des actions humanitaires, on fait ci, on fait ça. Alors que ce sont des koufars, ou des juifs, ou des chrétiens, ou des athées, qui ne croient pas au jour dernier et en Allah, ou qui font le shirk avec lui. Et ils pensent que de faire ça, ça les rend meilleurs que les croyants. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera même pas les œuvres de ceux qui font le shirk, même s'ils ont des montagnes de bonnes œuvres. Parce que le shirk annule la valeur de toute œuvre que quelqu'un peut faire. Et donc ici, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur répond en disant, vous donnez peut-être à boire aux gens qui viennent faire le hajj, vous faites des choses de ce genre qui sont des bonnes choses, il n'y a pas de doute que c'est bien. Mais le fait que vous soyez des kuffars, des mushrikins, eh bien, ça fait que vos œuvres n'ont aucune valeur. Et donc, vous n'êtes pas égal à celui qui croit en Allah et au jour dernier et qui lutte dans le sentier d'Allah. Et le verset 20, ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont fait la hijra et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts degrés auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. D'accord. Donc c'est un verset très, des versets très importants. Et le cheikh il dit voici la façon dont on doit distinguer entre les gens et comment on sépare entre les choses. Et il dit donc le fait seulement de servir la maison et de s'en occuper de la bâtir ou de servir les pèlerins et de leur donner de l'eau ou des choses de ce genre. Il dit tout ça. Ça ne leur donne aucun mérite sur les autres. et aucune particularité sur les autres. Et il dit ensuite, Cheikh al-Islam, وَكَانُوا يَسْتَكْبِرُونَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc, le Cheikh maintenant, Ibn Taymiyyah, il dit qu'il s'enflait également d'orgueil devant les autres à cause de, comme on a dit tout à l'heure, à cause des choses qu'il faisait comme service pour les pèlerins et pour, les, et pour la maison sacrée d'Allah, la Kaaba. Et le Cheikh, il cite ensuite les versets 66 et 67 dans Surat Al-Mu'minun. Et on va lire la traduction de ces deux versets que le Cheikh a cités. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: mes versets vous étaient récités auparavant, mais vous vous en détourniez, enflant d'orgueil, hein? Vous vous en détourniez, enflant d'orgueil, et vous les dénigriez au cours de vos veillées. Et il mentionne ensuite dans le verset 30 dans Surat Al-Anfal, jusqu'au verset 34. Donc on va lire ces versets-là aussi. C'est les versets qui sont devant ceux qu'on a lus tout à l'heure, ou devant celui qu'on a lu tout à l'heure. Donc, les versets 30 à 34. Il dit ce qui signifie: et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot. Et Allah est le meilleur des stratagèmes. Et lorsque nos versets leur sont récités, ils disent: nous avons écouté, certes. Si nous voulions, nous dirions pareil à cela. Ce ne sont que des légendes anciennes. Hein? Et quand ils dirent, oh Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fait venir sur nous un châtiment douloureux. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Et le verset 34, qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, quoi qu'ils n'en sont pas les gardiens, ce n'en sont pas les awliya, car ces gardiens sont les pieux, les muttaqoun, ceux qui ont la taqwa, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ces versets. Il dit: يعني يقولون لو ما اتبعنا الرسول لو ما اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم يكفينا أننا عمار البيت والقائمون على شؤونه مستكبرين به أي بالبيت سامرا يعني يسمرون بالليل في نواديهم ويتمدحون بذلك على الناس يعني تهجرون أي يقولون القول الهجر والقول القبيح سامرا تجهرون يعني سمركم بالليل كله بالكلام الهجر الكلام الفاحش البذيء وهذا رد عليهم. Donc ici le Cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, que le premier verset que le Cheikh il a cité, le verset 66 et 67 dans Surat Al-Mu'minun, ça signifie que les mushrikoun, ils disaient, même si on ne suit pas le messager, même si on ne suit pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est suffisant pour nous que nous peuplions la mosquée et qu'on s'occupe des gens qui viennent faire le pèlerinage, qui viennent faire le hajj, et qu'on s'occupe de la Kaaba. Ça, c'est suffisant comme bien. On n'a pas besoin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ils pensent que ça leur suffit. Mustakbirina bihi, c'est-à-dire ils s'enflent d'orgueil par rapport à la maison sacrée de la Kaaba. Donc parce qu'ils s'occupent de la maison sacrée, ils pensent que c'est suffisant pour eux, et ils s'enflent d'orgueil de ça. Samiran, et le cheikh explique que c'est Samiran, ça veut dire yasmaruna billayl, c'est-à-dire ils restent la nuit, hein, à discuter dans leur lieu de rencontre. Là, ils se réunissent la nuit pour parler, pour boire, pour discuter entre eux, et ils se glorifient de ce genre de choses. Comme si, c'est nous les responsables de la Kaaba, c'est nous qui nous occupons de la maison sacrée, et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit en disant tahjurun, c'est-à-dire vous dites des paroles qui sont des paroles vulgaires, obscènes, des paroles laides. Hein? Donc ils passent leur nuit réunis comme ça ensemble dans leur lieu de réunion où ils se réunissent pour discuter et pour parler, et ils parlent des paroles obscènes, hein, de cette façon, et Allah les réfute, hein, de cette façon. Il dit ensuite l'explication des autres versets qu'on a lus. اجتمعوا في دار الندوة التي يجتمع فيها خبراؤهم وأهل الرأي منهم ماذا يفعلون بمحمد الذي سب آلهتهم وسفه أحلامهم وأيضا لما هاجر أصحابه إلى المدينة خافوا أن يلحق بهم فتتكون له قوة فيغزوهم ويسيطر عليهم وأرادوا منعه من الهجرة واللحاق بأصحابه فاجتمعوا في دار الندوة يتشاورون ماذا يفعلون به. قال بعضهم يحبس ليثبتوك، والإثبات معناه الحبس، ويحبس حتى يموت كما مات غيره من الشعراء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ينتظرون لما يموت يحبس ويترك في الحبس إلى الموت حتى لا يهاجر ويذهب لأصحابه أو يقتلوك، يعني ينهون حياتك ويستريحون منك، أو يخرجوك، يعني يطردونك من مكة حتى لا تفسد عليهم أمرهم، ويطردونك من مكة ومن الحرم حتى لا تفسد عليهم أمرهم. جاءهم الشيطان في سورة إنس فقال لهم اجمعوا جماعة من الفتيان من كل قبيلة فتى قوي وأعطوهم الرماح فإذا خرج محمد فإنه يطعنونه طعنة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تقدر قريش على أخذ القبائل كلها. فقالوا هذا هو الرأي، فجاءوا بالفتيان ومعهم السلاح ويتربصون لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أخرجه من بينهم وهم لا يشعرون، وترك عليا رضي الله عنه على فراشه ينظرون إليه ويظنون أنه الرسول، وخرج من بيته لا يشعرون به، أخرجه الله من بينهم وذر التراب على رؤوسهم، ثم خرج إلى أبي بكر رضي الله عنه، وخرج الاثنان إلى غار ثور واختفيا فيه حتى انقطع عنهم الطلب، ثم ذهبا إلى المدينة بسلام وأمان من الله سبحانه وتعالى حتى وصلوها ولحق بأصحابه. On va traduire cette partie. Le cheikh explique que les mushrikoun, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset qu'on a lu que lorsque les mécréants ont essayé de comploter pour essayer de t'emprisonner ou bien de te tuer. Et dans ce verset, le verset 30, dans surat Al-Anfal, le cheikh il parle de cette situation-là en disant que les mushrikoun s'étaient réunis dans Dar al-Nadwa. Dar al-Nadwa, c'est l'endroit où ils se réunissaient pour parler. Et les gens importants parmi eux, les gens dont on écoutait les opinions, ils se réunissaient à cet endroit-là pour discuter. Et il dit également, donc, quand ils se réunissaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on va faire avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Eux, ils ne croyaient pas que c'était le prophète d'Allah, alors ils disaient juste son prénom de cette façon. Qu'est-ce qu'on va faire avec Mohammed qui insulte nos idoles, hein? Et eux, ils disaient, bon, si on le laisse partir à Médine, parce que ses compagnons avaient commencé à faire la hijra, donc ils ont dit, si on le laisse partir à Médine et qu'il les rattrape et qu'il les rejoint, eh bien, il va avoir une force et il va pouvoir nous combattre. Il va pouvoir avoir le dessus sur nous. Donc, ils ont voulu l'empêcher de faire la hijra, hein, et l'empêcher de rejoindre ses compagnons. Alors, ils se sont réunis dans Dar al-Nadwa pour se consulter, pour savoir quoi faire. Et donc, certains d'entre eux ont dit, on va l'enfermer. Hein, on va l'emprisonner. Liuthbituk. Hein, al-ithbat, il dit, ça veut dire al-habs, c'est-à-dire le fait de l'enfermer, de l'emprisonner jusqu'à la mort. Comme ils ont fait à certains d'entre les poètes, hein, parfois, comme Allah il le dit dans le verset 30, en surat At-Tur, « Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi raib al-manun » Ils disent, on va faire avec lui. Ils disent, hein, est-ce qu'ils disent que c'est un poète? On va le retenir jusqu'à la mort. Hein, on va le retenir, c'est-à-dire on va l'emprisonner jusqu'à la mort. Hein, comme ça, il ne va pas faire la hijra vers ses compagnons. Hein, il ne va pas partir pour les retrouver. Ou yaqtuluk. Ou bien on va, hein, ils veulent tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ils vont terminer sa vie, comme ça ils vont avoir le repos, hein, ils vont être reposés du prophète. Ou yukhrijuk, hein, ou bien ils le chassent, ils l'exilent de la Mecque, hein, ils le chassent, comme ça il ne va pas vous déranger dans vos affaires, hein, ils vont le faire quitter la Mecque et le Haram. Et le shaitan leur est venu dans l'image d'un homme, apparence humaine, et le shaitan leur a dit, réunissez-vous, hein, réunissez un jeune, des jeunes de chaque tribu. De chaque tribu, vous prenez un jeune qui est fort, hein. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur donner à chacun de ces jeunes, hein, une lance, hein? Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sortir de chez lui, ces jeunes vont tous l'attaquer en même temps avec la lance et ils vont le tuer. Et étant donné que ce sont plusieurs personnes de différentes tribus qui sont réunies pour le tuer, eh bien, la tribu de Quraysh ne pourra pas demander son sang. Hein, pourra pas demander la réparation pour son sang et elle pourra pas attaquer toutes les autres tribus, parce que vous savez qu'à l'époque c'était comme ça. Si quelqu'un tue quelqu'un d'une autre tribu, hein, eh bien la tribu en question va se venger de la tribu qui a tué la personne de leur tribu. Mais si c'est toutes les tribus en même temps qui étaient unies pour tuer une personne, eh bien, c'est impossible pour cette tribu de combattre toutes les tribus en même temps. Donc, c'était ça leur idée. Hein? Donc, ils ont accepté cette idée-là. Ils ont pris des jeunes qui sont costauds, qui sont forts. À chacun d'eux, ils ont donné une arme, hein? Une lance. Et donc, ils se sont placés devant la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien près de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont attendu qu'il sorte. Ils ont attendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sorte de chez lui. Et il dit, فَاللَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْنِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait sortir de par devant eux, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et il a laissé dans sa maison, dans son lit, Ali radiallahu anhu, qui était à sa place. Eux, ils le regardaient dans la maison, croyant que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, c'était pas lui, c'était Ali radiallahu anhu, son cousin. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'eux, ils regardent dans le lit, ils voient Ali couché, ils pensent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce temps-là, lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort. Et eux, ils s'en apercevaient même pas. Et il met sur la tête de chacun d'entre eux, hein, un peu de sable, hein, un peu de terre sur leur tête. De la poussière. Il met ça sur la tête de chacun d'entre eux. Et puis il part. Et ils se sont même pas aperçus de ça. Et il est allé rejoindre Abu Bakr radiallahu anhu qui l'attendait. Qu'ils l'attendaient, et ils se sont donc cachés, les deux, Abu Bakr ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la caverne qu'on appelle Ghar Thawr. Et ils se sont cachés à cet endroit-là jusqu'à ce que les recherches s'arrêtent, jusqu'à ce que cessent les recherches. Parce que pendant un bon bout de temps, hein, ils avaient lancé une alerte pour retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils faisaient des tours comme ça, ils faisaient des surveillances dans les entourages pour essayer de le trouver, hein, et ils envoyaient des hommes, même ils ont mis même une rançon sur sa tête. Qui est-ce qui allait ramener le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala les a protégés, il les a préservés contre eux, et donc ils ne les ont pas trouvés. Et quand les recherches se sont calmées, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti en toute sécurité vers Médine, et il est arrivé là-bas, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc préservé et a fait en sorte qu'il puisse rejoindre ses compagnons à Médine. Il dit le cheikh, wa qala azza wa jal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكر الله لرسوله فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون بطريقة عجيبة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إلى قول الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وقال وهم يصدون عن المسجد الحرام وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يعني يتحدون الله عز وجل فامطر علينا حجارة من السماء إن كان هذا القرآن من عندك يتحدون الله فامطر علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم أو ائتنا بعذاب أليم يتحدون الله عز وجل قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فلن يعذبهم الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فذكر مانعين من العذاب. المانع الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم كل نبي من الأنبياء إنما يهلك قومه إذا أخرجه الله من بينهم. والمانع الثاني وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لأن الاستغفار يدفع العذاب الاستغفار يدفع العذاب ثم قال عز وجل وما لهم أن لا يعذبهم وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون يمنعون الحجاج والمعتمرين ويسيطرون على الناس وهم يصدون عن المسجد الحرام صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset 30 dans sourate Al-Anfal et il ruse lorsque les mouchriquins faisaient les ruses contre toi pour t'enfermer ou pour te tuer ou pour t'expulser et ils rusent ils font leur complot et Allah fait son complot et Allah est le meilleur des comploteurs et donc Allah subhanahu wa ta'ala il a comploté en faveur de son messager pour le faire sortir de parmi eux et eux ils ne se sont même pas aperçus de sa sortie et c'est d'une façon étonnante qu'il est sorti et c'est ce qui démontre l'exemple de ce que Allah mentionne lorsqu'il dit que eux ils font des complots et Allah fait ses complots et le meilleur des comploteurs c'est Allah subhanahu wa ta'ala puisqu'il complote contre ceux qui font des ruses et contre les mouchriquins et les koufas qui veulent comploter contre les musulmans et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise wa ma kana salatuhum na'am donc ça c'est les versets 35 et 36 dans sourate Al-Anfal. Je pense qu'on a lu ce verset tout à l'heure. Et leur prière auprès de la maison n'est que sifflement et frappement de main. Donc c'est comme ça qu'ils faisaient leur prière. Quand ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba, ils tapaient des mains et ils sifflaient. C'était ça leur prière. Allah al-Musta'an. Et il dit ensuite, leur prière auprès de la maison, c'est-à-dire la Kaaba, n'est que sifflement et battement de main. Goûtez donc au châtiment à cause de votre mécréance. Ceux qui ne croient pas, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, regardez ce verset, c'est tellement c'est puissant ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont mécru, qui ont rejeté la foi, ceux qui sont dans le coffre, ils dépensent leur argent pour obstruer le sentier d'Allah, pour empêcher les gens de rentrer dans la foi et de pratiquer leur religion. Or, après avoir dépensé cet argent-là, ce sera pour eux un sujet de regret et de remords. Ils vont regretter d'avoir dépensé cet argent-là. Et il dit, puis ils seront vaincus. Et tous ceux qui ont renié la foi seront rassemblés vers l'enfer. Donc les koufars, tout le temps, c'est comme ça. Tu les vois, ils sont prêts à dépenser des grosses sommes d'argent pour essayer de faire, pour faire arrêter l'avancement de l'islam, essayer d'empêcher les croyants de pratiquer leur religion. Ils dépensent beaucoup d'argent, des grosses sommes d'argent pour ça. Et qu'est-ce qu'ils dépensent ? Ça devient une source de regret pour eux. Et ils sont quand même vaincus malgré tout. Ça se retourne toujours contre eux. Et il cite ensuite les versets 34 dans Sourate Al-Anfal. وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Alors qu'ils obstruent le sentier, la maison sacrée, ils repoussent les croyants et les empêchent d'arriver jusqu'à la mosquée sacrée. Et il dit وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ Ça c'est le verset 32. Quand ils dirent Oh Allah, si cela est la vérité de ta part. Donc ça c'est l'attitude des mouchriquins. Au lieu d'invoquer Allah puis de lui demander Oh Allah, si l'islam c'est la vérité, guide-nous à la vérité, fais-nous entrer dans la foi, fais-nous accepter la vérité. Au lieu de demander ça, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils mettent Allah au défi. Et ils disent Oh Allah, Si ceci, c'est l'islam et la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous. Yani, subhanallah. C'est comme si il demande le contraire de qu'est-ce qui est le bon sens. Au lieu de demander la guidance d'Allah, il demande le châtiment d'Allah. Donc il disait, si ceci est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir des pierres du ciel sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Yani, subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a répondu en disant, Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, c'est-à-dire alors que toi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Et ça, c'est les deux raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala retenait son châtiment à leur sujet. Et donc il mentionne la première raison, c'est que le messager était parmi eux, et il dit que tous les prophètes, parmi les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala fait uniquement périr leur peuple après avoir fait sortir leur messager de parmi eux. Et la deuxième raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas châtiés, il dit parce qu'ils demandaient pardon. Et le cheikh, il explique que le fait qu'ils demandent pardon, eh bien ça repousse le châtiment. Ça repousse le châtiment, parce que quand on demande le pardon à Allah pour nos péchés, eh bien ça repousse nos châtiments. Et il dit, et ensuite, donc il a mentionné la suite du verset. Il dit وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. يعني parce que ils obstruaient le sentier pour les gens qui voulaient faire le Hajj ou la Umrah parmi les musulmans. Ils ne les laissaient pas aller jusqu'à la Kaaba. Et ça, c'est ce qui est mentionné dans le verset 24. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas alors qu'il repousse les croyants de la mosquée sacrée, tant qu'ils n'en soient pas les gardiens. Et il dit, le cheikh, que c'est ce qui est arrivé l'année de Al-Hudaybiyah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti pour faire la Umrah avec ses compagnons, et que eux ils se sont objectés et ils les ont empêchés de continuer leur chemin pour aller vers la mosquée. Ils les ont empêchés de faire leur Umrah. Il dit وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ, alors qu'ils n'en sont pas les gardiens. وَهَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ مَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Donc le point qu'on veut établir dans tout ce qu'on a expliqué ici, l'important c'est de savoir que ce ne sont pas eux les awliya de la mosquée sacrée, ce ne sont pas eux les protecteurs et les défenseurs de la mosquée sacrée. Ces protecteurs ne sont que les pieux, ceux qui ont at-taqwa et qui sont al-muttaqoun. Le cheikh, il explique ensuite, il dit فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَيْسُوا أَوْلِيَاءَهُ وَلَا أَوْلِيَاءَ بَيْتِهِ وَإِنَّمَا أَوْلِيَاؤُهُ الْمُتَّقُونَ. وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأولياء يعني طائفة من أقاربه وإنما ولي الله وصالح المؤمنين. نعم. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il cite ce verset, il cite ce hadith plutôt. Il dit premièrement que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans ce passage-là que les mushrikoun ne sont pas ses alliés. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les mushrikoun ne sont pas ses alliés, ne sont pas ses serviteurs rapprochés, et ils ne sont pas non plus les alliés de sa maison, les gardiens, les protecteurs de sa maison sacrée, parce que les alliés d'Allah sont uniquement les pieux, al-muttaqoun. Et il dit qu'il est rapporté dans As-Sahihayn, dans le Bukhari Muslim, selon Amr ibn al-As radiyallahu anhu, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mentionner à voix haute, hein, sans que ce soit en secret. Il a dit, certes, la famille d'un tel ne sont pas mes awliya, ne sont pas mes awliya. C'est-à-dire, il parlait d'un groupe parmi ses proches, de sa famille. Il a dit, ceux-là ne sont pas mes awliya, ne sont pas mes alliés. Mes alliés sont uniquement Allah et les pieux parmi les croyants. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, وَهَذَا الْفَاصِلُ فِي الْقَضِيَّةِ أَنَّ مُجَرَّدَ دَعْوَ الْوِلَايَةِ لَا يَكْفِي حَتَّى يَكُونَ الدَّلِيلَ عَلَيْهَا وَهُوَ التَّقْوَى فَمَنْ اِدَّعَ الْوِلَايَةِ يُنْظَرُ فِي عَمَلِهِ فَإِنْ كَانَ عَمَلُهُ صَالِحًا وَكَانَ يَتَّقِي رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ وَلِيٌّ أَمَّا إِنْ كَانَ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ وَلِيٌّ لِلشَّيْطَانِ وَلَيْسَ وَلِيًّا لِلرَّحْمَنِ هَذَا فِيهِ الْفُرْقَانُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ Le cheikh, il explique que c'est ça qui vient trancher ici dans cette affaire. C'est pas suffisant de prétendre uniquement être un serviteur rapproché pour Allah. C'est pas suffisant de le prétendre jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve à ce sujet-là, c'est-à-dire la piété. C'est la piété qui vient déterminer ici pour celui qui est un serviteur rapproché ou non. Et il dit donc, celui qui prétend d'être un wali, qui dit moi je suis un wali d'Allah, hein, et qui prétend être un serviteur rapproché d'Allah, on doit analyser ses actions. On doit analyser ses œuvres. Si ses œuvres sont bonnes, hein, et si c'est quelqu'un qui fait preuve de taqwa envers son Seigneur, c'est-à-dire il fait ce que Allah lui ordonne et il s'écarte de ce que Allah a interdit. Il fait ce que le messager ordonne, il s'écarte de ce que le messager a interdit et il suit la charia d'Allah. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire oui, lui c'est un wali d'Allah. Tandis que si c'est quelqu'un qui contredit cela, alors on va dire que c'est un wali du shaitan, c'est un allié rapproché du shaitan, et il n'est donc pas un wali de Ar-Rahman. Donc c'est ça le discernement entre les alliés d'Ar-Rahman, Allah, et les alliés du shaitan, le diable. C'est-à-dire que les actes, la prière fait partie des actes aussi. La prière et les autres actes, pas seulement la prière toute seule. Parce que des fois, il y a des gens, par exemple, peut-être il fait des prières, puis après, quand il rentre chez lui, il fait du sihr, fait de la sorcellerie. Ou bien il prétend connaître l'avenir. Il dit aux gens, venez me voir, je vais vous dire votre avenir. Qu'est-ce qui va vous arriver demain? Si tu vas avoir du succès dans tes affaires, ou tu vas trouver la femme de tes rêves, hein? Et donc les gens vont chez lui, ils lui donnent de l'argent, lui il fait semblant, il fait des trucs, je sais pas quoi, et puis il dit oui, toi tu vas avoir du bonheur, toi tu vas avoir ci, toi tu vas avoir ça. Ça c'est du shirk, c'est du kofr. Et pourtant il fait la prière, il va à la mosquée, il fait la prière. Il fait ça juste pour tromper les gens. Donc c'est pas suffisant juste que quelqu'un il fasse certaines œuvres. Il faut que tout ce qu'il fait comme action soit en accord avec les principes de la piété et de la foi. Hein? Et le cheikh il dit donc à la suite de ce passage là, il dit inna awliya in awliya'uhu illa al-muttaqun. Yani ma'nahu anna hadha حصر للولاية في المتقين ومعناه أن غير المتقين ليسوا أولياء الله وإنما هم أولياء الشيطان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit ses serviteurs ou ses gardiens rapprochés ne sont que les pieux. Ça veut dire que Allah a restreint cette walaya, hein? Il a fait en sorte que ce soit seulement les muttaqoun qui puissent être des serviteurs rapprochés. Et donc ça veut dire que ceux qui ne font pas partie des muttaqoun, et on a expliqué déjà al-muttaqoun, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui obéissent à Allah et qui s'écartent de ce qui est interdit, et yani ceux donc qui font ça par espoir en la récompense d'Allah et qui s'écartent de ce qu'il a interdit par crainte de son châtiment, ceux-là sont les muttaqoun. Hein? Et ce sont les awliya d'Allah, ce sont des serviteurs rapprochés d'Allah. Tandis que ceux qui ne sont pas parmi les muttaqoun ne sont pas les awliya d'Allah, ce sont uniquement les awliya du shaytan. Il dit wa aqaribu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam idha kanu 'ala al-kufr falaysu awliya'a sallallahu alayhi wa sallam wa in awliya'uhu illa Allah wa salihul mu'minin wa salihul mu'minin awliya'ur rasul sallallahu alayhi wa sallam hum Allah wa huwa waliyuhu wa salihul mu'minin unzur salihul mu'minin wa hadha huwa al-wali salihul mu'minin. فدل على أن مجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع، وإنما الذي ينفع هو العمل الصالح، ولو لم يكن من أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار، وأبو لهب أبو طالب، وكل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو في النار، وهم أعمامه وبلال وسلمان، بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم. هؤلاء يعني أرقى مماليك، أرقاء مماليك، وصاروا سادات في أولياء الله بإيمانهم بالله عز وجل وباتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم. donc le cheikh il dit les proches du messager, ses proches, sa famille, ses oncles, et les autres parmi les gens qui sont dans sa famille. Il dit, s'ils étaient dans la mécréance, dans le kufr, eh bien, ils ne sont pas des alliés du messager, sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils sont des proches du messager. Il dit, les alliés du messager sont uniquement Allah et les pieux parmi les croyants. Il dit, les awliya, les alliés du messager, ce sont uniquement Allah, et Allah est son protecteur, et les pieux parmi les croyants. Et donc il dit, regardez, les pieux parmi les croyants, c'est lui le wali, ceux qui sont pieux et qui sont vertueux parmi les croyants. Et donc ça, c'est la preuve que le simple fait d'avoir un lien de parenté avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne servira à rien à la personne. La seule chose qui sera bénéfique et qui profitera à quelqu'un au jour de la résurrection, c'est ses bonnes œuvres. C'est pas le fait d'avoir des liens de parenté, ça ne va pas t'aider. Et il dit donc, même si quelqu'un ne fait pas partie des proches du messager ou de la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il faisait des bonnes œuvres, eh bien il sera parmi les serviteurs rapprochés d'Allah. Il dit, regardez par exemple Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dans l'enfer. Et regardez Abu Talib, Abu Lahab, c'est des oncles du prophète, sauf qu'ils n'ont pas cru au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et donc ils sont dans l'enfer à cause de ça, malgré qu'ils sont ses oncles. Tandis que Bilal, qui est un Éthiopien, Salman, qui est un Perse, et Suhaib, qui est romain, et d'autres également parmi les gens qui ont été même des esclaves, ils ont été pris en esclavage et ils sont devenus parmi les meilleurs, parmi les rapprochés d'Allah dans leur foi, à cause de leur foi en Allah et à cause du fait qu'ils ont suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh l'Islam il dit ensuite, وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وصالح المؤمنين وهو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. Donc le cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, c'est en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le verset 4 dans sourate At-Tahrim. Et on va lire le verset en question que le cheikh il a cité, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie, on a dit le verset 4. Non, mais si vous soutenez, c'est ça. Alors ses alliés seront Allah, hein, Jibril, l'ange Gabriel, wa salihul mu'minin, et les pieux parmi les croyants. Et les anges sont par surcroît son soutien. Donc tout ça c'est pour montrer que cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a lu tout à l'heure, c'est en accord avec ce que Allah dit dans ce verset là, que les croyants pieux et vertueux, ce sont eux, hein, les alliés du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ce sont les pieux parmi les croyants, ce sont donc les muttaqoun. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ça dans le hadith rapporté par Muslim dans son sahih. Et si vous voulez, même on peut le sortir dans le sahih Muslim, le hadith authentique. Un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Aina Abi, hein, son père était mort. Il a dit, mon père il est où? Est-ce qu'il est au paradis ou en enfer? Il lui a dit, ton père il est en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il dit des choses comme ça, ça c'est parce que Allah lui a révélé. Donc quand il a dit ton père est en enfer, l'homme est parti, triste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a rappelé, il a dit reviens. Alors l'homme est revenu, il lui a dit mon père et ton père sont en enfer. Il lui a dit mon père et ton père sont en enfer. En voulant dire, yani, moi aussi mon père il est en enfer et pourtant... Hein, je suis pas, comme si j'accepte cette réalité, hein, parce que c'est son sort. Non. Donc ça c'est qu'est-ce qui est rapporté dans le hadith authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là. Donc c'est pas une question de lien de parenté. Même le père de Ibrahim alayhi salam, il est en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne même dans le Coran à propos du père de Ibrahim. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé, on a lu ce hadith-là dans les cours précédents, même quand il a réuni, quand les gens de sa tribu étaient réunis, et il les a appelés un par un, et il lui a dit, oh, il a dit même à sa fille, il dit, oh Fatima, sauve-toi, hein, car je ne peux rien faire auprès d'Allah pour toi. Demande-moi de mes biens ce que tu veux, mais je ne peux rien faire pour toi auprès d'Allah au jour de la résurrection. Donc ça veut dire, le lien de parenté ne peut rien faire pour sauver quelqu'un. Même si la personne en question est un lien de parenté avec le plus grand parmi les prophètes, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou le prophète Ibrahim alayhi salam. Ça ne peut pas te sauver. Donc ça réfute complètement ceux aujourd'hui qui prétendent que parce qu'ils ont un proche, hein, qui est un wali, ou qu'ils prétendent que c'est un wali, ou que c'est un cheikh, ou que c'est un marabout, ou que c'est quelqu'un, je ne sais pas, un cheikh d'une tariqa, que ça y est, il va porter le monde sur ses épaules pour les amener au paradis avec lui. Ça, c'est, hein, c'est batil, c'est faux. Et le cheikh, il mentionne ensuite, il dit, donc, salihul mu'minin, ce sont les serviteurs pieux, les muttaqoun, les rapprochés d'Allah. Hein, les serviteurs rapprochés d'Allah, les awliya d'Allah. Et il dit que parmi ceux-là, il y a ceux qui rentrent dans ça, dans cette description, il y a Abu Bakr, radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum. Ce sont les quatre khulafa al-Rashidin. Donc le cheikh, il explique, il dit, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, « هذا في قصة ما جرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه من أنه حصل خصوصا عائشة وحفصة رضي الله عنهما منهن شيء من التأثير على الرسول صلى الله عليه وسلم والمضايقة يطالبن بأشياء يطالبن بأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما يعني عائشة وحفصة رضي الله عنهما وإن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فهؤلاء هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم الله وملائكته وصالح المؤمنين هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأنصاره ومن كان هؤلاء أولياؤه فلن يغلب. Et le cheikh il a mentionné le hadith de cette histoire en note de bas de page. Il dit عن جريج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوب إلى الله يعني لعائشة وحفصة وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا أخرجه البخاري ومسلم. C'est quoi l'histoire en question? C'est que en fait le prophète صلى الله عليه وسلم il restait chez une de ses épouses Zainab bint Jahsh et il mangeait du miel, il prenait du miel chez elle. Il restait chez elle et il prenait du miel. Et deux de ses épouses, Aïcha et Hafsa, se sont mis d'accord pour dire que lorsqu'il venait chez elle, lorsqu'il allait venir chez elle, de demander yani, s'il avait mangé quelque chose qui sent mauvais. Pour qu'il cesse de manger le miel, pour qu'il cesse d'aller chez cette épouse-là pour manger le miel. Alors Aïcha, elle a dit à Hafsa, lorsqu'il va venir chez toi, demande-lui, est-ce que tu as mangé telle chose? Et effectivement, quand il est venu chez elle, elle lui a posé la question. Et quand il est allé chez Aïcha, elle lui a posé la même question encore. Donc il a dit, ça y est, je ne vais plus manger le miel, parce que si ça me fait donner une mauvaise odeur, je ne vais plus le manger. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce sujet-là un verset qui dit, ô messager, ô prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a rendu licite pour chercher l'agrément de tes épouses? Et ensuite, donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset à la suite, il mentionne donc à ces deux femmes-là de se repentir. Et il dit dans le verset donc que si elle récidive et si elle continue, que Allah subhanahu wa ta'ala c'est son allié ainsi que Jibril et les pieux parmi les croyants et les anges également. Donc c'est ça ce que le cheikh il explique ici. Et ceux dont les alliés sont ceux-là parmi les croyants, alors c'est ceux qu'ils ne seront pas battus. Il dit wa mahal shahid فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فأولياء الرسول صلى الله عليه وسلم هم صالح المؤمنين وليس الأقارب في النسب مع عدم الإيمان. Donc il dit que le point dans ce verset, c'est que les proches, les supporters, les défenseurs, les alliés du messager صلى الله عليه وسلم, ce sont Allah et Jibril et les pieux parmi les croyants, et non les proches du messager, hein, même s'ils ont des liens de parenté, s'ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas les alliés du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ensuite wa qawluhu wa dakhala fi dhalika Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ha'ula'i hum sadatu awliya Allah. Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali الخلفاء الأربعة وبقية العشرة رضي الله عنهم والصحابة رضي الله عنهم كلهم أولياء الله لكن بعضهم أفضل من بعض Donc le cheikh il explique que ces quatre parmi les sahaba sont les plus élevés, les plus hauts parmi les alliés d'Allah et parmi les serviteurs rapprochés d'Allah après les prophètes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, qui sont les quatre successeurs bien guidés, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite les dix promis au paradis, ce qu'on appelle Al-Ashra, Al-Mubashirina Bil-Jannah. Eh na'am. Oui, les quatre califes font partie des dix promis au paradis. Donc il y a les quatre khulafa, puis il y a les six autres, hein? Et les six autres, parmi eux il y a Az-Zubayr, il y a Talha, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Mu'adh ibn Jabal, et il y a peut-être le dixième, c'est Sa'd ibn Sahl, je pense. Sa'd ibn Sahl. Et il y en a d'autres également parmi les Mubashirin bil Jannah qui ne font pas partie des dix, comme Thabit ibn Qais et d'autres également. Ensuite, le Cheikh il dit وَسَائِرُ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ الَّذِينَ بَايَعُوا تحت الشجرة الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 كلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Donc le cheikh dit de même que tous les sahaba qui ont fait la bay'a, l'allégeance de l'agrément Bay'atul Ridwan sous l'arbre, hein, le jour de je pense que c'était lorsqu'ils sont partis à Al-Hudaybiyah, ils ont fait tous l'allégeance au messager sous cet arbre, et ils étaient 1400 parmi les sahaba, et il dit ils seront tous au paradis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Muslim, il dit tous ceux, il dit nul n'entrera en enfer, hein, nul n'entrera en enfer s'il fait partie de ceux qui ont donné l'allégeance sous l'arbre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il parle de cette allégeance là dans sourate Al-Fath, hein, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah a certes été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont donné l'allégeance sous l'arbre, hein? Et le cheikh il dit يوم الحديبية, cheikh Al-Fawzan il dit يوم الحديبية لما حصل من المشركين الصد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عن الوصول إلى البيت فأرادوا التفاوض, hein? ثم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قد قتل في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب أصحابه للبيعة على القتال فبايعوه تحت الشجرة على القتال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فنالوا هذه الكرامة وهي رضا الله عنهم وكانوا 1400 لقد رضي الله عنهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار فهؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة. Donc le cheikh il dit, et le jour de Al-Hudaybiyah, lorsque les mushrikoun ont empêché le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba d'aller jusqu'à la Kaaba, ils ont donc voulu faire des négociations, hein? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Uthman à Mecca, hein, radiyallahu anhu, pour qu'il négocie, hein, pour les musulmans. Et la rumeur est sortie que Uthman avait été tué à Mecca. Alors à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé aux sahaba de donner l'allégeance pour le combat, hein, pour se préparer au combat. Donc il a pris leur allégeance et qu'ils allaient combattre, hein, à ce moment-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le verset 18 dans sourate Al-Fath que certes Allah a été satisfait des croyants lorsqu'ils t'ont donné l'allégeance sous l'arbre. Et donc ils ont reçu cet honneur, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire son agrément, et ils étaient 1400. Et Allah a été satisfait d'eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet de ces 1400 qu'ils n'entreront pas en enfer, et donc ceux-là sont les awliya d'Allah, des vrais awliya d'Allah, des vrais serviteurs rapprochés d'Allah. Non. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la suite, inshallah, demain. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.